allez chercher vos mandats de grève. Ce que ça veut dire, c'est pas compliqué, c'est comme dans le temps du printemps minable, c'est organisez-vous pour faire passer ça en cachette puis en douce, pour avoir le mandat de grève, puis après ça, faites semblant que vous êtes 50 000 au Québec qui veulent la grève, quand en fait, vous êtes juste 3-4 qui ont voté ça en cachette sur l'heure du dîner. Puis après ça, on va pouvoir se servir de ça pour aller dire, regardez, on a les étudiants derrière nous. C'est de même que ça fonctionne, c'est pas bien compliqué. Je veux pas être plate, là, mais si vous faites un sondage aujourd'hui à l'université où des jeunes entre 18 et 34 ans, et ça a été prouvé, et vous leur demandez pour quel parti ils vont voter, je m'excuse, là, mais le parti le plus populaire chez nos jeunes aujourd'hui, puis c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est le Parti libéral. Fait que les 5-6% d'anarchistes, là, à un moment donné, là, ferme ta gueule, va à l'école, puis après ça, va travailler, payer tes taxes puis tes impôts. Je commence à en avoir ma claque de payer pour une gang de morons que la seule affaire qu'ils veulent faire, c'est foutre le bordel. Et d'ailleurs, je peux vous dire que dès cet été, ça sera terminé, hein. Tout ça, dès cet été, ça sera terminé parce que dans le même petit vidéo, ben il y a un extrait où on dit faut que ça se fasse maintenant parce qu'on sera plus là à l'automne. Fait que vous voyez comment ils sont même pas conséquents. Ils sont tellement niaiseux, les syndicats. Ils sont là pour là ça brasse, puis là l'austérité, puis t'as là ouais là il faut, puis là c'est pas drôle pis ce qui se passe, puis je te le dis, puis faut aller chercher de l'argent dans les paradis fiscaux, puis mais à l'automne en passant on sera pas là. Fait que je vous dis ça de même là, je suis en sacrifice aujourd'hui. Mais il y a des bonnes chances qu'à l'automne, je sois occupé pour faire d'autres choses. Pour créer un mouvement à long terme, pour créer quelque chose de solide, des solidarités, le but, c'est qu'on continue à jaser dans 3 ans, puis qu'on continue à faire des actions ensemble dans 3 ans. T'sais. À l'automne, nous, on sera plus là. À l'automne, oui. Là, les syndicats vont être en réorganisation, en gale, un contre l'autre, dans santé. Mais c'est vrai que sur le timing que tu donnais, c'est vrai qu'il faut taper ce printemps. Avant l'été, parce que à partir de l'été, c'est bon. Non, on parle à mob l'été. Ah ouais. Le point final, c'est la Saint-Jean-Baptiste, ouais. Là, c'est la fête nationale. On veut-tu ça comme société? C'est ça. Là, faut faire ses forces. Parce qu'après ça, oubliez-nous. Nous autres, on sera plus là, on tombe en maraudage à l'automne prochain, puis on va avoir ben d'autres chats fouettés, puis inquiétez-vous pas. En tout cas, nous autres, on va avoir d'autres choses à régler, mais pour l'instant, dépêchez-vous, là. Hein? Faut qu'on vous utilise le plus vite possible, parce qu'on le sait. Puis d'ailleurs, ils savent, eux autres, que ça pogne pas leur affaire. Puis que cet été, aussitôt qu'il va commencer à faire beau, puis que les terrasses vont être là, on va dire une affaire, nos petits jeunes qui sont contre l'austérité, là, ben ils vont tous pogner leurs prêts étudiants pour aller saouler à la bière. Il manque une couple de journée d'école. On connaît pas mal cette stratégie-là. Ils vont aller voir des shows, ils vont aller au Rockfest. Ben oui. Ils vont dépenser, ils vont aller s'acheter un nouveau iPhone. Puis, regarde, on les connaît, nos étudiants. Hein. Pas compliqué. T'es gringue pour un petit bout, mais après ça, pff, de la merde, l'austérité, pas de la merde. Laissez-moi boire de la bière puis d'avoir du fun avec mes chums tranquilles, s'il vous plaît. Donc, à partir du 25 juin... C'est pas mal la fin, là. Fait que le gouvernement a juste à se dire, regarde, on va l'étoffer jusqu'au 25. Ouais. Puis après, si on va voir la paix, on sait qu'ils seront pas de retour, ils seront pas là. Mais le gouvernement adopte pas nécessairement la bonne stratégie non plus, parce que le gouvernement, présentement, ce qu'on fait, c'est qu'on gèle l'autruche. C'est qu'on se met la tête dans le sable, puis on bouge pas. Tu sais, il y a Daniel qui m'a écrit, « Voyons, Monette, tu parlais à Picard. Il est dans le deuxième parti de l'opposition. Si tu parlais avec la ministre de la Justice, ben là, tu parlerais pas dans le vide. » Je le sais, c'est pas parce qu'on les a pas essayés, là. Puis si on était rendu à la deuxième opposition, c'est parce qu'on a commencé par le gouvernement qui était en place. Après ça, on a essayé le premier groupe d'opposition, puis on n'a pas eu le retour d'appel. Fait que finalement, on s'est dit, « Christy, il nous reste qui? » On va aller voir le troisième groupe d'opposition. Puis en plus, j'offre une magnifique tribune pour Monsieur Picard d'essayer de prendre la balle au bon. Puis je suis pas tout seul là qui est en maudit avec ce qui se passe, puis commence à en avoir sa claque là. Je pense pas là. Je pense qu'il y a un bon pourcentage de la population qui commence à en avoir leur claque là de des agissements comme ça de nos petits enfants rois. Mais bon, c'est pas grave. On continuera à demander des entrevues avec le Parti libéral, mais sont pas très très friands d'entrevues de ce temps-ci. Non. Moi non plus. D'ailleurs, je comprends Philippe Couillard là. Qui a ordonné à ses ministres de pas parler quand ils rentrent au Parlement le matin, chaque fois que quelqu'un ouvre la gueule dans le Parti libéral, dit une connerie. Fait que moi, si j'étais le chef, je leur dirais, tu fermes ta gueule. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Je comprends, d'ailleurs, pourquoi il veut pas que les gens parlent. Parce que les ministres qui ont nommé là sont tous incompétents. Chacun de leur gang, dans tous les sujets d'actualité qui se passent présentement. Fait que le grand boss a mis le pied à terre et il a dit, fermez vos gueules. 1h20, et vous écoutez Monette.